Les pères de l'Église grecque au IVe siècle, par Eugène Fialon. Saint Basile, 329, 1er janvier 379. Athanase avait résisté à Constance, à Julien et à Valence, mais, après 46 ans de combat, il était aussi peu avancé qu'au premier jour. L'hérésie étendait chaque jour ses conquêtes. La séduction ou l'exil avaient raison des évêques orthodoxes, les bouches des hommes pieux étaient condamnées au silence, les églises livrées à l'hérésie, et les peuples, fuyant les temples comme des écoles d'impiété, allaient cacher leurs prières dans la solitude. Saint Basile, lettre 92. Du moins, le vieux patriarche mourait avec la consolation de laisser pour continuer son œuvre un héritier de son génie, de sa foi et de sa persévérance. S'il est un homme dont le caractère, l'éloquence et la doctrine représentent, au IVe siècle, l'alliance féconde de la Grèce et de l'Orient, c'est Saint Basile. Né dans le pont au milieu de cette société renouvelée par le christianisme, sorti d'une famille cappadocienne illustrée par le commandement des armées, le gouvernement des provinces, des charges à la cour, et, plus encore, par les confiscations, l'exil et le martyre pendant les persécutions, il se prépare dans les écoles et dans la solitude à ce grand rôle d'évêque, auquel doivent l'appeler ses talents et ses vertus. Pour guérir l'Église d'Orient malade et en dissolution, il va demander à la Grèce l'éloquence et la philosophie, à la solitude la pure théologie et l'institution bienfaisante des moines. Sous sa direction, les moines conservent la vraie foi, soulage toutes les douleurs en donnant aux pauvres l'exemple d'une vie sainte et laborieuse. En vain les magistrats et les évêques soliques pour écarter du siège de Césarée le réformateur qui leur inspire un égal effroi. Les moines et les peuples le mettent à la tête de l'église du pont, le soutiennent contre un épiscopat rebelle et le font respecter des gouverneurs et des empereurs. Portant les yeux sur le reste du monde, le réformateur de la Cappadoce entreprend la pacification religieuse de l'Orient. D'abord auxiliaire, puis successeur d'Athanase, il réunit les orthodoxes dispersés, fait rentrer des provinces entières dans la foi de Nicée, par les seules armes de la persuasion. Prépare la complète destruction des hérésies qui divisaient l'Église. Quels efforts d'activité, quel mélange de fermeté et d'adresse, pour arriver à de tels résultats. Si, en présence d'un obstacle, le premier mouvement de cet homme d'action est un emportement hautain et dédaigneux, bientôt il se rassoit et envisage le mal avec un regard sûr. La résistance se prolonge sans le décourager. Si sa dignité ne lui permet pas de faire les premiers pas, il ménage tous les amours propres en faisant intervenir d'imposantes autorités. Ses adversaires se rendent-ils, il leur épargne la moitié de la défaite, en leur tendant la main. S'il peut aller au-devant d'eux, il le fait avec une tolérance toute grecque, qui scandalise l'intolérance orientale, avec une insinuation toute athénienne, qui triomphe presque toujours de l'esprit disputeur des Grecs. Malgré tant de travaux et de luttes, il met tout l'Orient en relation par ses lettres, compose des traités que ses moines répandent partout, et fait entendre en Cappadoce une éloquence dont la calme majesté contraste avec l'agitation tumultueuse de sa vie. Il s'inspire à la fois de l'écriture sainte et des philosophes. Homère, Platon, Aristote, Plotin, lui fournissent des images, des comparaisons, des développements entiers, Tout un traité de Plutarque passe dans une homélie. Nourri des lettres grecques, il voyait ses réminiscences profanes se presser dans son imagination et se mêler à ses pensées. Quelquefois, plus désireux d'instruire que de plaire, il les reproduisait comme elles lui apparaissaient, mais, le plus souvent, introduisant dans les phrases pures, claires et simples de la langue d'Athènes les expressions pittoresques, les vives images, la forte poésie de la Bible, il développait ses pensées d'emprunt et les revêtait d'une parure plus asiatique. La double inspiration de la Grèce et de la Bible fait toute l'originalité de son éloquence, sans l'une ou sans l'autre, il serait incomplet, et n'aurait que la pureté languissante de Libanius ou la vigueur incorrecte de saint Ephrem. À côté de ces perles antiques qu'il savait si bien enchâsser, que de beauté personnelle, que de qualités oratoires. Aussi tous les critiques, Fénelon et M. Villemain en tête, se sont plu à louer ce grand maître pour le régime des âmes, cet écrivain mâle et sévère, digne par la pureté de son goût des plus beaux temps de la Grèce. Son élocution grave, claire et harmonieuse, anime tout et approche de la poésie. Son style, qui partout est une peinture pleine de vérité, de grandeur et de sensibilité, est encore embelli par d'heureuses comparaisons, des allusions bibliques, de poétiques allégories, des restes de fiction païenne. Une libre allure ajoute au charme. Les homélies de Saint Basile sont réellement des entretiens, où il descend, avec la plus grande aisance, du sublime au familier. Il parle de tout et prend tous les tons. Histoire, géographie, astronomie, sciences naturelles, rien ne lui échappe. Il prend le ton de la tragédie, et le quitte, un instant après, pour faire monter Théophraste ou Ménandre dans la chair chrétienne. On frémit en voyant ce malheureux père que la faim contraint de vendre un de ses fils, on rit en entendant raconter les ruses de l'usurier, ou les inquiétudes de l'avare, qu'épouvante un chat, un chien, une souris. Tout à tour, l'orateur effraie le débauché par la peinture des effets de l'ivrognerie, excite la compassion par le spectacle d'hommes à la fleur de l'âge, de guerriers illustres, emportés d'un festin sur les bras de leurs esclaves, et dérite son auditoire en décrivant les rêves de l'homme ivre qui, en imagination, gouverne des royaumes, commande des armées, bâtit des villes. Ainsi, appliquant un précepte vrai de tous les temps, il savait passer du grave au doux, du plaisant au sévère. S'il ne se sentait point de prise sur la raison de ses auditeurs, il s'adressait à leur malice naturelle et les corrigeait en les faisant rire, comme Démosthène réveillé par un mot piquant l'attention des frivoles Athéniens. C'était, dans les deux orateurs, le même esprit grec, fin, observateur et légèrement railleur, excité dans l'un par l'amour de la patrie, dans l'autre par celui de la religion et de l'humanité. Note. Cette notice est presque entièrement extraite de notre étude historique et littéraire sur Saint Basile. Markem Dan Archivorg 2024 d'après Books Google FR. Licence Creative Commons pas d'usage commercial partage à l'identique.